إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والحمد لله، نواصل في قراءتنا على هذا الكتاب المبارك، نقرأه بالتفصيل إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 31، 31 مسألة، عداوتهم للدين الحق ومحبتهم للدين الباطل. qu'ils s'en prennent à la religion de la vérité et qu'ils aiment la religion du faux. Et ça ressemble aux masalik qui sont déjà précédés, comme le fait que ils rejettent le faux, ou plutôt ils rejettent la vérité et affirment le faux. Ou également la mas'ala ou irtiyadihim bi kitabillah bi sihr comme فعل اليهود, que les juifs ont changé le ont préféré prendre la sorcellerie au suivi du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des mas'al mutaqarriba, elles sont proches les unes des autres. Faqala al mu'allif wa hiya min a'jab al ayat ayda mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilayhi ayat al ghadawa ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. Donc ce point-ci expose la mas'ala qui est qu'ils prennent en animosité la religion de la vérité auquel à laquelle ils s'apparentent, et vraiment une grande animosité. Et qu'ils aiment la religion des mécréants, ceux qui sont opposés à eux, et qui les ont combattus, d'un grand amour. Comme ils l'ont fait avec le prophète Mohammed, lorsqu'il leur est venu avec la religion de Moussa, salam. Ils ont préféré suivre la sorcellerie, les livres de sorcellerie, la sorcellerie qui, elle, est la religion de Pharaon. Ils ont délaissé le haq avec lequel est venu Mohammed, qui confirme le haq qui était avec eux, pour se tourner vers les livres de sorcellerie. Wal'az billah. Qala al-Sheikh Fawzan rahimahullah ta'ala fi sharh. Qala min masail al-jahiliyyati allati khalafaha wa khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'adatuhum lid-dinihim alladhi umiru bi ittiba'ihi wa ittiba'ihim lid-din aduwihim. Donc parmi ces points de la jahiliya auquel s'est opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont combattu la religion qui leur a été obligatoire de suivre, et qu'ils ont suivi la religion de leurs ennemis. إذ معلوم أن اليهود كانوا على دين موسى عليه السلام وأن عدوهم هو فرعون وآل فرعون الذين كانوا يسمونهم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويستعملونهم في أخص الحرف إلى أن بعثه الله نبيه وكليمه موسى عليه السلام. Donc il est connu que les juifs, les yahouds, étaient sur le dîne de Moussa alayhi salam, et que leur ennemi c'était Pharaon, ainsi que ces gens. Ceux qui les contrôlaient, qu'ils avaient asservis et soumis à l'esclavage. Ils tuaient leurs fils et laissaient vivre leurs femmes. Et les soumettaient à accomplir les tâches les plus viles. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoya son messager Moussa alayhi salam. Donc de là, Allah les débarrassa du joug de Pharaon, de leur ennemi, et leur a donné l'avantage, leur a donné la victoire, et les a honorés, et a rabaissé leur ennemi en le noyant, alors qu'il regardait. Il les a réjouis de cela, par la vision de cette noyade. وكان في التوراة التي بين أيديهم وهي كتاب الله الذي جاء بموسى عليه الصلاة والسلام كان فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه. Donc cette Torah qui était entre leurs mains, avec laquelle Moussa alayhi salam est venu, contenait les descriptifs ou les descriptions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de le suivre. Mais de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de leur radicalisme dans leur religion, on peut les appeler comme ça ces gens-là, extrémisme dans leur religion, Allah alors a endurci sur eux leur religion, leur a rendu haram des choses qui leur étaient halal, à cause de leur mécréance et leur obstination, Car s'ils avaient cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait facilité leur religion et les aurait élevés. Cependant, ils ont été pris par la jalousie. فقالوا كيف يكون هذا النبي الموعود في آخر الزمان من العرب ومن بني إسماعيل اللائق أن يكون هذا من بني إسرائيل ولا يكون من بني إسماعيل هكذا قالوا. Donc ils ont dit, comment c'est que ce prophète qui est envoyé à la fin des temps fait partie des Arabes et des fils de Ismaïl? Il revenait qu'il soit des bani Israël. Voilà comme ils disent. Tels sont leurs propos. Et la raison de leur refus du suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce ne soit pas des leurs. Donc ils ont jalousé Mohammed et l'ont envié. Donc en étant, en mécroyant en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont systématiquement mécru en Moussa, كذلك, qui est venu avec la Torah, qui leur a indiqué de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé le haqq pour aller prendre le sihar. Ils ont délaissé la législation, la sharia, wa akbalu ala sihar. Et ils ont pris la sorcellerie. Et cette sorcellerie, elle était de qui? De Fil'aoun. C'était la région de Fil'aoun. La'atullah alayhi. Donc le shaykh a dit, bien ça c'est parmi les conséquences, parmi les punitions que subit la personne qui délaisse la vérité, donc on en est prouvé par le faux. Hadi sunnatun. C'est une sunna qui ne change pas et n'est pas modifiable. فبعض المسلمين تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بأقوال الناس وأخذوا علم المنطق وأخذوا علم الكلام وهم من هذا القبيل. Donc il dit que parmi les musulmans certains ont délaissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم et ont échangé cela par la science de la logique, la science de la philosophie et les autres sciences qui sont fausses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont délaissé la vérité à laquelle ils s'apparentent, la religion véridique, pour se tourner vers le faux. Et ce point-là nous fait penser également lorsqu'il dit adawatuhum lid-din al-haq wa mahabbatuhum lid-din al-batil. Et la libération du peuple de Moussa alayhi salam, et comment ils ont, en échange, ont fait preuve d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a libérés du joug de leur ennemi. Il les a fait constater cette défaite, et après cela, ils ne sont pas soumis comme il se doit. On voit ça aujourd'hui dans quelle situation beaucoup des pays du Maghreb, Arabie, ou les pays d'Afrique qui ont été colonisés par la France. Des pays à la base musulmans. Certains de ces pays ont fait la guerre et se sont libérés, comme l'Algérie. Ont été libérés de leurs ennemis. Sous leurs propres yeux, ils ont vu cela. Allah les a secourus sur leurs ennemis. Et après cela, on a vu que malgré cela, cette victoire qui est lue par la guerre, malgré qu'ils aient eu le dessus sur leurs ennemis, par la suite sont mis à les suivre et retourner vers eux. Comment? En quittant leur pays pour aller chez ces gens-là, chez les Français, pour la dunya. Combien ont délaissé Kitabullah pour prendre ce qu'on leur apprend à l'école, dans les écoles des Koufars, ou ce qu'on leur apprend comme culture de l'histoire de France, ou les pays d'islam qui ont délaissé la charia pour prendre la démocratie, ou les autres parmi les régimes politiques instaurés par les Koufars. Et on voit certains parmi eux, ils aiment vraiment cela. C'est-à-dire que tu les vois s'en prendre à l'islam, à la sunna, à la salafia, pour défendre le batil. Et ils se disent muslimoun. Hada min hada al-bab. Ça fait partie de ce sujet-là. Chez des musulmans aujourd'hui, chez beaucoup d'entre eux, on le voit. Des gens de la masse, qui viennent des pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud. Ils sont musulmans, tu les vois accourir vers les koufars. Et se plier devant eux. Et s'en prendre à leurs frères. Par amour pour le mode de vie qu'ont ces koufars. Ils ne te diront pas par leur langue. Ils vont te dire, moi je suis musulman. Mais ces actes te démontrent que les choses de l'islam, il les combat, il les réfute, il les refuse. Et tu le vois défendre les positions des koufars. Tu le vois rabaisser les moustakimines de sa religion. Et tu le vois élever les foussaks parmi les koufars. Voilà, azbillah. Hadha min masail al-jahiliyah, tamam. ثم قال المسألة الثانية وثلاثون كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهونهم. Donc la 32e mas'ala qui est qu'ils mécroient la vérité qui se trouve chez les autres lorsqu'il y a problème de quelqu'un qui n'aime pas. Là, c'est l'un des points distinctifs avec les autres masa'il. C'est proche des autres masa'il qu'on a pris auparavant, les masa'il dans lesquels il a dit qu'il n'accepte pas la vérité si elle vient des autres, ou des faibles, ou qu'elle vient de quelqu'un d'autre. Là, c'est un point qui par lequel il se distingue, c'est qu'ils ne prennent pas la vérité, c'est le problème de quelqu'un qui n'aime pas, en particulier. D'accord, allez, filmatne. كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Donc qui délaisse et mécroit la vérité, c'est le problème de quelqu'un qui n'aime pas, comme ce fut le cas, comme Allah SWT l'a cité en son livre dans le sens relatif à approcher, où il dit que les Yahoud, ils ont dit les Nansara, les chrétiens ne sont sur rien, et les Nansara, les chrétiens ont dit les Yahoud ne sont sur rien alors qu'ils lisent le livre. فقال في شرح وهذه المسألة من أخطر المسائل وهي كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه أي لا يحبونه فيتركون الحق الذي معه تعصبا لكراهتهم للشخص فيتركون الحق من أجله. Donc il dit c'est parmi les masaïl les plus périlleuses, les plus dangereuses, les plus pointilleuses, qui est qu'ils mécroient la vérité lorsqu'elle provient de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Donc ça veut dire qu'il délaisse la vérité qu'il apporte par fanatisme et par répugnance envers cette personne. Il délaisse cette vérité par rapport à la personne. فقال فالواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به لأن الحق ضالة المؤمنين أينما وجدوه أخذوه مع صديقه أو مع عدوه لأنه يطلب الحق. Donc il dit ce qui est obligatoire pour les muslims, c'est d'accepter la vérité de quiconque. Car c'est la vérité que le musulman doit suivre. S'il voit la vérité, il doit la prendre où qu'elle soit, avec qui qu'elle soit. Qu'elle provienne de son ami, de son ennemi. Par contre, si lui, il ne prend en considération que les gens et non pas la vérité, alors cela fait partie de la religion de la jahiliya. Et ça, c'est comme Allah Ta'ala, c'était dans son livre, que les Yahoud et les Nansara qui sont Al-Kitab, les Yahoud, ils ont refusé le haqq avec les Nansara, comme par exemple la venue de Isa ou Al-Zalika. Pourquoi? Car ils n'aimaient pas les Nansara. Et les Nansara ont refusé ce qu'avaient les Yahoud comme haqq, car ils n'aimaient pas les Yahoud. Comme le verset. Alors que les deux ont le même livre à la base. C'est-à-dire, Isa alayhi salam, il est venu avec la Torah pour la confirmer et il modifiait certaines choses. Mais la base de l'Injil, c'est la Torah. Donc le hasil, c'est que le wajib sur le musulman, un yashtanib qui s'éloigne de la sunna des Yahoud et des Nasara, ils ne suivent pas leur trace là-dessus. Oui, el kufru bil haqq alladhi kana ma'a man la yuhibbuhu. C'est le fait de mécroire en la vérité provenant de qui ils n'aiment pas. Voyez, que ta haine pour un peuple ne t'emmène pas à refuser la vérité qu'il détient. Faut moi citer un exemple, également présent aujourd'hui chez les Hizbi, les Maftoun, les gens de la Bida. Et d'ailleurs, j'annonce, quand ce livre sera fini, Bidina Ta'ala, je compte faire un talkhis, un récapitulatif des points de cette jahiliya qu'on a trouvé chez les Hizb al-Jadid. Ceux qui ont fait une dawa anti-Demej, qui ont mis en garde contre Demej, car ils regroupent beaucoup de ces points-là. En citant les points et certains exemples qui vont avec Inch'Allah Ta'ala. Il ne faut pas avoir à m'attarder dans ce ders, à tout le temps à citer ces gens-là, car ils sont vraiment trop bas pour qu'on les cite à chaque fois, on perd notre temps avec eux, à chaque cours, car ils ont beaucoup de points en commun avec les masels de la jahiliya. Mais on fera un audio à part spécialement, prenant chaque point que j'ai pu constater, de ce que j'ai connu dans cette fitna, chaque point qu'on a trouvé chez eux, dans leur comportement, et dans leurs agissements, et dans leurs paroles. Moi, les Aléka. Toyeb. Et de vous-même, de toute façon, ceux qui ont suivi l'affaire, alhamdoulilah, de eux-mêmes, ont cerné la chose. Le fadlillah ta'ala. Donc là, le shir, il dit une parole qui, justement, rejoint cela. Maza qal. Wa mithlu hadha. Wa mawjud al-an. Iza kanat ta'ifatun aw jama'atun tub'idu ahad al-ulama, fa innahum yarfaduna ma ma'ahu min al-haq. فيحملهم بعضهم لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحق وأن يعتموه عليه ويزهدوا فيه ويحذروا من مؤلفاته من أشرطاته ولو كان حقا. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص. Donc il dit, aujourd'hui c'est présent ça. Tu vois des gens, des groupes, quand même, lorsqu'ils détestent un des savants, ils refusent tout ce qu'il dit comme vérité. Que leur dégoût et leur répugnance envers lui les amène à refuser tout ce qu'il a avec lui comme vérité. Ils mettent en garde contre lui, ils le dénigrent, ils le calomnient, ils font fuir les gens de lui, et de ses livres, de ses ouvrages, et de ses audios, même si ses audios et ses ouvrages sont la vérité. Pourquoi ? Il dit pour le simple fait qu'il ne l'aime pas. Ça, c'est une chose que j'ai vue, moi, sur des réseaux sociaux. Une personne, par rapport au livre de Cheikh Abu Amr, Hafizallahu Ta'ala Al-Hajouri, sur la Hijra, ce livre qui était édité par les éditions Mokbil. Une personne, lorsqu'elle a su que ce livre était écrit par Cheikh Abu Amr, quelle était sa position ? Et quelle était la position des éditions à cette époque, car le responsable de cette édition a dévié et fait partie des Maftoun aujourd'hui, du moins l'un d'entre eux, le principal responsable. Et j'ai pu voir que cette personne-là a dit, en photographiant le livre, qu'elle allait prendre ce livre pour le brûler pour faire un barbecue. Voilà, Azbillah. Un livre, je crois qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autre livre en français sur le sujet de la Hijra, qui est une obligation pour les gens qui sont en France. Et la hijra, à la base, est parmi les choses à laquelle appelle le Salafi en particulier. Et cette personne-là a peut-être le seul livre actuellement traduit en français contenant les preuves véridiques du kitab, de la sunna et des paroles des ulama et des kibar, comme ils aiment bien le dire souvent, et des akwal salaf sur la hijra de façon simple. Et cette personne-là, elle est en France, qu'est-ce qu'elle dit ? Je prends ce livre et je vais le brûler pour faire un barbecue. Est-ce que cela n'est pas une chose dont on est surpris, dont on peut être choqué ? Par simple quoi ? Simple fait que ce livre-là vient des gens de Damaj. Mais en vrai, le livre ne contient pas une seule moukharafat, il ne peut pas en trouver. Et l'auteur, pareil, ils vont juste nous reprocher de quoi ? D'avoir parlé sur leur savon. C'est tout. Donc une personne reste en France, elle fait un barbecue en France et elle brûle. Elle fait cuire sa viande avec un livre qui contient les preuves de la Hijra qui vont quitter la France. Qu'attendre de ce genre de personnes par la suite ? Qu'attendre de ce genre de personnes par la suite ? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le shir le dit, il a lui-même accepté des Yahoud qui sont venus le voir avec des choses de la vérité. Kazak al-Yahoudi, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit أمروا أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد عن قتيلة تمام؟ Ce juif qui est venu qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous faites du shirk vous, car vous dites comme Allah veut et comme Mohammed veut. Et dans une version, vous jurez par la Kaaba. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit toi tu es un juif, je ne t'écoute pas, laisse-moi tranquille, je ne t'aime pas. Non. Il a dit ce qu'il a dit, c'est vrai, il a accepté, et après il est parti voir son compagnon pour leur dire, laissez cela. Ce n'est pas permis. Et ce juif, on sait très bien qu'il est venu pourquoi ? Pas pour sauver la vérité, juste pour critiquer les musulmans. Ça montre que des fois les gens du faux peuvent avoir des arguments réels contre les gens du haq. Et c'est quoi le rôle du gens du haq à ce moment-là ? C'est d'accepter, même s'il vient de la personne du faux. Et il accepte. Cela ne veut pas dire que tu l'aimes par la suite, ou que tu fais son éloge, ou que tu prends son nom en disant un tel, elle a dit ça. Non, tu prends le haq et tu vas le corriger l'erreur qui a été faite. Pas même ? Hada wal adab. Mais t'as des gens, leur haine pour les gens de la vérité, ou leur opposant les emmène à même refuser, si c'est la vérité, ils disent non, ils ne veulent pas accepter. Et ça, c'est dangereux, très dangereux. Et ça, c'est parmi les masselles de la jahiliya, comme le démontre ce livre là actuellement. Donc le shir finit en disant Al-Hasim, que les musulmans, ils doivent accepter la vérité, et que son animosité pour une personne ne doit pas le forcer, le pousser à refuser le haq s'il apporte, pour des causes personnelles, ou même des causes religieuses. Une personne, c'est un mubtadi', ça n'est guère d'une parole vraie, tu dois dire ce qu'il a dit c'est vrai, tu dois accepter. Et si te conseille sur une chose sur laquelle tu as fait erreur, tu corriges. Tu dis pas comme c'est lui, j'accepte pas. Tu dois accepter quand même. On te dit pas que tu l'aimes et tu te lis à lui, mais tu acceptes ce qu'il te dit. S'il te prouve avec des adillah que ce que tu fais c'est une erreur, tu dois le suivre. Demain à tablir, il te dit par exemple, dans ta salat, tu as fait une erreur. T'as oublié une rakat, t'en as fait que trois au lieu d'en faire quatre. Voilà, si tu te dis non, t'as un tabiri, je t'écoute pas, tu laisses ta salat bâti là. Parce que c'est un tabiri qui t'a fait la remarque. C'est toi qui vas payer les conséquences. Ta salat, elle est bâti là. Alors que lui t'appelle à rajouter. On te dit pas, tu l'aimes, tu le sens dans tes bras, tu lui offres un cadeau. Non, tu fais doha pour lui, qu'Allah le guide. Tu le remercies pour ce qu'il t'a dit. Et tu fais ta rakat qui t'a échappé, ce jeu des sahou. Ou du moins, tu fais cela après avoir fait la rakat. C'est en guise d'exemple. Même un kafir. Un kafir demain de voir faire une chose qui n'est pas légiférée dans ta religion, il le sait. Demain, une kafira, avoir une femme, elle dit, ouais, mais toi, tu es une muslima, pourquoi tu portes pas le voile? Tu vas dire, non, mais toi, laisse-moi, t'es une chrétienne, je t'écoute pas. T'as rien à me dire. Tu n'as pas à m'apprendre ma religion. Bah, t'as dit la vérité, la chrétienne, là. Que dans ta religion, t'es une femme musulmane, tu te voiles. Comme c'est une chrétienne, tu ne vas pas porter le voile, juste parce qu'elle te l'a dit de le faire. Ça, c'est une muslima, ça. Car là-bas, c'est Allah qui t'a donné. Elle t'a fait un rappel. Même s'il a voulu peut-être par là te lancer un pic ou quoi, tu as dit une parole véridique. Tu te dois de l'accepter. Même si c'est une chrétienne, même si c'est une juive, même si c'est une bouddhiste, même si c'est une témoin de Jéhovah, même si c'est une communiste, ce que tu veux. Si elle t'a dit la vérité, tu dois l'accepter. Ah ben. Donc le refuser, par haine envers la personne, que cette haine, elle soit légiférée ou pas, là ce n'est pas le sujet. Que cette haine soit présente pour une personne qui te dit la vérité, tu dois l'accepter. Taïe. Fouma qala. Al mas'ala al-thalitha wa thalathun. 33e point. Mas'ala. Tanaqudhuhum fil ikrar wal inkar. Qui sont en contradiction du fait qu'ils cautionnent et qu'ils le renient en même temps. Comment cela? Inkaruhum ma akarru annahu min dinihim. Kama fa'alu fil hajj al-bayt. كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Donc ils renient des choses qu'ils ont reconnues comme étant de leur religion, comme ils l'ont fait par exemple avec le Hajj. Ça c'est les Yahoud. كما قال تعالى. Et qui est donc et celui qui se détourne de la religion d'Ibrahim, c'est ça qui fait du mal lui-même. Il s'est rabaissant dans cela. Donc les Yahoud et les Nasara, tous reconnaissent qu'Ibrahim est parmi les Anbiya. Mais comme ce Hajj, tel qu'il est fait actuellement, ce sont les Muslimoun, il est devenu emblème des Muslimoun, ils l'ont refusé. Donc le Shir le dit, les Yahoud, Yadouna annahum ala millat Ibrahim, prétendent qu'ils sont sur la millat d'Ibrahim. Et pourtant, lorsque la Kaaba, Allah SWT, a changé sa direction, a arrivé à Beit al-Maqdis, après, l'ordre est venu de se tourner vers la Kaaba, celle qu'Ibrahim a.s.m. l'a construit. Alors là, ils ont refusé. Wallah azbillah. Car ils ne veulent pas reconnaître la Kaaba. Ni le Hajj. Comme étant faisant partie de l'état d'Ibrahim. Donc ils ne sont pas tournés vers la Kaaba. Alors que les fondations de la Kaaba, c'est Ibrahim a.s.m. qui les a faites. Et puis, par la suite, c'était l'exemple justement de ces musulmans aujourd'hui, qui font pareil. Qu'ils refusent certaines règles de l'islam. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont de l'islam, mais les choses qu'ils renient, elles font partie de l'islam. Et ils les refusent. Comme par exemple ceux qui refusent le tawhid tel qu'il est. Ils vont faire le tawaf autour des kubur, masalan. Ou ils font du'a l'irélillah. Ils appellent les amouat. Oman l'agdiru alayhi. Des choses que seul Allah peut accomplir. Ah, il y a trop le fils. Il se dit, moi je suis musulman, et malgré cela, le tawhid, tu le vois, il en renie une partie. Et certains, c'est bikulliya. Bikulliya. Et ce tawhid, c'est le asas de la religion. Il le renie, il le délaisse. Et il se dit, moi je suis musulman, je dis la ilaha illallah, je fais salat, je m'occupe de la zaka, je fais le hajj, asum ramadan, wa akaza, je fais des sadaqa, tayyib, je mange pas de porc, Mourel Zadika, et malgré cela, tu le vois, c'est du shirk. Ça, c'est une nocta importante. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, des musulmans, la masse, ou des gens qui s'apparentent à l'islam, on dirait que pour manger du porc, c'est pire qu'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir des gens faire des choses abominables, qui sont des offenses au tawhid. Les gens ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Ils vont faire les doigts même. Hatta yushrikuna fi rububiyya. Le shirk dans la rububiyya. Beaucoup de gens ne vont rien dire. Et une personne va manger un bout de porc, ils vont faire un scandale. Il y en a certains, ils vont te kafar pour ça. Même. Ils vont te kafar pour ça. Tant là, tu vas trouver des jeunes dans la rue qui se disent musulmans. Ils vendent de la drogue. Ils font zina avec des femmes. Peut-être même des fois, ils les violent. Ils boivent de l'alcool. Ils braquent des banques. Ils font je ne sais quoi. Ça y est, ça se trouve son oncle, sa tante, on voit les Sahara, les sorciers. Ça se trouve lui-même, il y va. Ou voir des marabouts. Pour pouvoir obtenir les choses de la dunya. La seule chose qu'il va faire, peut-être, c'est te dire, pendant Ramadan, peut-être qu'il va jeûner, sans faire salat. C'est-à-dire, toute la journée, il dort, et la nuit, il fait le fourza. Il dit, moi, na asoum, je jeûne. Par contre, tu le verras, il ne touchera pas à un gramme de porc. Et si tu lui dis, il faut lui manger du porc, il va te faire, il pourrait le tuer. Il va dire, lui, il mange du porc. Et là, il le critique de tous les sens. Sans regarder ce que lui fait à côté, qui sont pires encore. Manger du porc, c'est haram, ça, on ne nie pas. Mais comment tu minimises des choses qui sont gravissimes et tu fais prédominer sur elles des choses qui sont moindres. Hada adam et tawfiq fi din. Tamaman. Un manque de tawfiq tamaman fi din. Ou un manque de tafakkur fi din. Et ça, c'est conséquence de quoi? D'avoir délaissé la vérité pour avoir pris le faux. Al-Khuzlan. Car Allah t'a abandonné, tu ne comprends pas ta religion. Tu t'es fait forcer une religion dans ta tête, tu l'es modelé à ta façon, et tu t'y apparentes à ce qui est véridique, mais tu suis ce que tu t'es modelé toi. Wahada wa dhalal. Tamaman. Et certains, beaucoup d'entre eux ne sont pas musulmans, ils ne font pas salat. Celui qui ne fait pas salat, c'est pas un musulman, de toute façon. Il peut jeûner toute la journée, même la nuit, son jeûne n'est pas accepté. Il peut faire sadaqa, je ne sais combien d'argent, sadaqa n'est pas accepté. Ala kulli sahih. Ana salat, ana tarka salat, kufrun. Que le délaisser la salade, c'est du kufr. Allez, ben, l'homme, c'est un peu inch'Allah ta'ala. Wa sa nuwasif fi masail ukhra inch'Allah fi durus al-atiya. On poursuivra par la suite, bi idhnillah ta'ala. Bi idhnillah ta'ala, on a kul subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.